Acte troisième. Une salle du palais royal. Elle est presque dans l'obscurité. Seuls les abords de l'âtre, où un feu brûle, sont éclairés par le foyer. Les parfums qui montent de la mer ont une saveur moins âcre que celle qu'exhale le cœur d'un homme de 60 ans. Je ne sais pourquoi les hommes de cet âge feignent qu'ils vont vivre éternellement. Pour moi, je ne m'abuse pas. Bientôt, la mort va m'enfoncer sur la tête son casque noir. Je meurs d'ailleurs depuis longtemps, il ne s'agit que d'achever la chose. Toujours, Seigneur, toujours ce sombre pressentiment. J'ai mes visitations, la nuit surtout. La nuit est mère de toutes choses et même d'effrayantes clartés. Alors souvent, mon cœur s'arrête. Quand il recommence à battre, je suis tout surpris de me retrouver vivant. Et un peu dépité. Mais vous, médecin... Je ne parle de mon mal à personne. Et le monde croit que je vais vivre 1000 ans. D'ailleurs, les médecins, l'heure que Dieu a choisie, c'est péché que vouloir la changer. Cette nuit, à cause peut-être d'une extrême tristesse que j'ai eue hier, j'ai rêvé que j'agonisais. Nulle souffrance physique et lucidité absolue. Il y avait sûrement une présence, car je lui faisais remarquer que d'instant en instant, je m'affaiblissais. Et d'instant en instant, des marbrures rouges apparaissaient sur ma peau. J'écrivais sur ma peau. Elle était si pourrie que la plume par endroits la crevait. Et qu'écriviez-vous? J'écrivais bien meilleur et bien pire. Car j'ai été bien meilleur et bien pire que le monde ne le peut savoir. Puis, l'aube s'est montrée entre les rideaux et les croisées de ma chambre, et ses longues lignes de blancheur semblaient m'entourer de grands cierges funéraires. Chaque nuit, ou presque, s'entr'ouvrent pour moi de tels abîmes. Alors, dans ces heures, je vois. Je vois tout ce que j'ai fait, défait. Moi, le roi de Portugal, vainqueur des Africains, conquêteur des Indes, effroi des rebelles, Ferrante le magnanime, pauvre pécheur. Et je vois que de tout ce que j'ai fait, défait durant plus d'un quart de siècle, rien ne restera, car tout sera bouleversé, et peut-être très vite, par les mains ardeuses du temps. Rien ne restera qu'un portrait parmi 12 autres à l'armeria de Coimbre. Le portrait d'un homme dont les gens qui viendront sont incapables de citer un seul acte, et dont ils penseront sans plus en regardant ce portrait. Celui-là a un nez plus long que les autres. Seigneur, la gloire des grands hommes est comme les ombres. Elles s'allongent avec leur couchant. Ah, ne me parlez donc pas de ma gloire. Si vous saviez comme je suis loin de moi-même, et la laine fétide de l'admiration. Et puis, je ne suis pas un roi de gloire. Je suis un roi de douleur. Sur l'étendard du Portugal, j'ai augmenté le nombre de ces signes qui représentent les plaies du Christ. C'est un roi de douleur qui vous fait ce grand brame de cerf dans la forêt. Mais je n'ai pas à me retirer avant de mourir dans les forêts ou sur la montagne, car je suis pour moi-même la forêt et la montagne. Mes armes enchevêtrées sont les broussailles de la forêt. Et j'ai dû, puisque j'étais roi, me faire de ma propre pensée un haut lieu et une montagne. Sire, Don Alvar Gonsalves insiste pour que votre majesté daigne recevoir à l'instant. Je dois le voir demain matin. Il dit que son message est de toute urgence. Réponds-lui que je le verrai demain. Mais... peut-être vous eût-il plu de connaître un homme qui me demande de vous faire assassiner. Sire. Ah, voir vos contenances à l'un et à l'autre, il faut avouer que c'eût été divertissant. Encore. Ce billet de la part de Don Alvar. Malheur. Malheur. Fais entrer Don Alvar dans mon cabinet. Je l'y rejoins. Ensuite, tu ranimeras le feu. Tu Tu vois bien qu'il s'éteint. Doña Inès, attendez-moi ici un instant.